O Satan sei mir gnädig in meiner tiefen Not. Dark Gothic de Romano Vlad Janulevich. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. God is good. D'innombrables photos de groupes de dark metal, toutes plus sombres et sanglantes les unes que les autres, tapissaient les murs faiblement éclairés de la chambre de Déborah. Des croix biscornues, des pentacles gravés de signes kabbalistiques et des objets étranges étaient disposés sur des rayonnages en bois noir. Dans un recoin de la pièce, la chaîne IFI diffusait à plein volume un morceau du dernier opus des Evil Nibelungen. Ce titre, le fameux Saving Psycho Angel, tournait en boucle inlassablement depuis près de 2 heures. La rythmique bouillonnante, infernale et assourdissante, martelée à la double pédale, les riffs massifs et puissants, alternant avec d'autres distordus et acérés comme des rasoirs, les accents stridents et torturés des violons, constituaient une symphonie diabolique et sonnaient comme un déchaînement de sauvagerie sur lequel étaient beuglées, par des voix gutturales d'outre-tombe, des incantations effrayantes et blasphématoires. Chevauchant les blizzards tumultueux de ton esprit égaré, je t'entraîne au tréfonds de l'abîme salvateur. Je n'ai décimé mes frères que pour les châtier de leur ignoble traîtrise. Je jubile en revoyant en rêve la terreur dans leurs yeux, lorsque j'égorgeais leurs bâtards, violais leurs chiennes de femmes et les découpais tous les uns après les autres. On prétend que je suis le mal, alors tu es mon suivant. La haine est ma sève nourricière, mais qu'est-ce que la haine sinon l'amour de la désolation? La mort vit dans mon ombre. Tu combattras mes ennemis jusqu'au dernier et m'offriras leurs âmes sanglantes et leurs corps dépecés. Ils disent que je suis le mal, alors tu es mon suivant. Tu tueras quiconque me dénigrera et ôteras ta propre vie si je le demande, car je suis ton ange, je suis le mal et tu es mon suivant pour l'éternité. La chanson se terminait par une répétition frénétique des dernières paroles pendant près de 3 minutes, à un rythme surhumain, dans une débauche sonore explosive. Les vocalises écorchées de l'exubérant Jens Klaikarunen étaient incomparables, pouvant provoquer l'hystérie collective et, presque inévitablement, la transe de celui qui l'écoutait. Tu tueras quiconque me dénigrera, et ôteras ta propre vie si je le demande, car je suis ton ange, je suis le mal, et tu es mon suivant pour l'éternité. À travers la fenêtre ouverte, l'air doux de début de soirée était chargé de l'odeur entêtante et sucrée des chèvrefeuilles qui peuplaient les jardins environnants. Ce samedi soir, les parents avaient été invités à dîner chez des amis. Ils étaient partis depuis 2 heures déjà. Ils n'allaient donc pas rentrer au bercail avant le lendemain matin, sûrement sur le coup de 3 ou 4 heures. Déborah se tenait assise sur son lit, l'échine courbée mollement, le regard fixe et profondément inexpressif. Elle n'était vêtue que d'un petit string blanc et d'un t-shirt noir 2 fois trop grand pour elle, à l'effigie des Evil Nibelungen, dont l'image en transfert montrait les membres du groupe grossièrement maquillés de rouge et de violet, habillés en cuir moulant et levant les bras devant eux de façon grotesque, comme des vampires assoiffés de sang, cherchant à agripper leur proie avec leurs mains crochues. Jens Klaikarunen, le leader et chanteur de cette formation finlandaise, était considéré par la plupart des gens comme une sorte de gourou sectaire, extravagant mais inoffensif. Cependant, lui et ses trois acolytes prônaient explicitement dans leurs textes une réelle violence, et notamment le suicide, ou le meurtre comme moyen d'atteindre la révélation suprême, la libération de l'esprit, et certains femmes impressionnables et déséquilibrées avaient, malheureusement, mis ces préceptes dévastateurs en application. Ainsi, l'Église et les personnes touchées par le drame humain du suicide ou de la folie criminelle pensaient que Clay Karhunen était surtout un dangereux imposteur, abusant de son ascendant sur les gens pour les inciter à s'ôter la vie ou assassiner. À leurs yeux, il n'était qu'un meurtrier directement responsable de la mort de plusieurs personnes. En tout cas, certains fans lui vouaient un véritable culte et lui prêtaient même des pouvoirs extraordinaires. Pour eux, il était l'ange du mal incarné. Il était leur sauveur. Et le titre « Saving Psycho Angel » dans le dernier album du groupe était encore une preuve supplémentaire de sa condition surnaturelle. À cette heure-là, il devait être près de 21h, Déborah avait déjà plus d'un gramme d'alcool dans le sang, mais elle ne s'inquiétait pas des conséquences de son état. Ce soir était celui de son grand départ et de sa consécration avec Jenst. Elle devait le rejoindre pour découvrir l'ultime réalité et vivre enfin pleinement, sur un plan d'existence qui n'avait rien de semblable avec la misérable condition humaine. Il lui avait demandé de lui jurer fidélité lors de sa précédente transe, et elle avait accepté avec un grand honneur. N'était-il pas son ange ? Depuis sa découverte à 15 ans, du dark metal et du gothique, Déborah avait restreint le cercle de ses fréquentations aux fans du genre et son mode de vie en avait été profondément affecté. Elle avait coupé les ponts avec tous ses anciens amis et avait commencé à se comporter de façon inadaptée. Son agressivité accrue transparaissait au moindre de ses rapports humains. Ses parents avaient très mal pris la chose et, même au bout de 4 ans, ils n'avaient pas accepté le choix de leur fille unique qu'ils qualifiaient d'inapproprié à son bon épanouissement. Plusieurs fois, ils avaient failli en arriver à des confrontations physiques pour régler leurs différends. La tension était devenue permanente, Déborah faisant tout pour provoquer ses parents et leur rendre la vie insupportable. Les disputes se faisaient de plus en plus fréquentes et violentes. Déborah éprouvait du dégoût pour ses parents qui ne voulaient pas la comprendre et limitaient ses contacts avec eux autant que possible dans la mesure où ils vivaient sous le même toit. Mais aujourd'hui, vraiment, tout cela n'avait plus aucune espèce d'importance. Toutes les choses de la vie quotidienne paraissaient à Déborah fades, insignifiantes et inintéressantes. Non, elle n'avait plus aucune motivation pour rien. Toute passion l'avait irrémédiablement abandonnée, excepté celle qu'elle vivait pour les Evil Nibelungen et surtout pour Jenst. Bizarrement, avant même de connaître Jenst, Déborah avait toujours su qu'elle en arriverait là. À l'université, durant les cours ennuyeux de linguistique de Madame Rigauche, elle se prenait à rêvasser à travers la fenêtre. Et dans ses pensées, elle ne s'était jamais imaginée mariée, la trentaine, avec 3 enfants, épanouie dans son travail et vivant dans une confortable petite maison à la campagne. Elle ne s'était jamais projetée dans l'avenir à plus d'un ou 2 ans, au grand maximum. Pour elle, ce qui se produisait maintenant était dans l'ordre des choses. C'était écrit, et ça devait arriver tout simplement, puisqu'elle avait enfin trouvé sa voie. En outre, Jens le lui avait répété souvent, et l'avait donc conforté dans cette sombre optique de sa vie. Plusieurs canettes de bière vide gisaient çà et là devant elle sur la moquette sombre et usée. Sur sa droite, une bouteille de gin à moitié vide montait stoïquement la garde sur la table de chevet. Sa petite main effilée et crispée en serrait un plein tube de somnifère qu'elle avait dérobé à son père quelques jours plus tôt. Soudain, l'ombre brumeuse de Jens apparut, survenant du recoin où était installée la chaîne Ifi. Elle s'approcha lentement de la frêle silhouette de Déborah, qui l'observa en souriant. La jeune fille pouvait sentir la puissance de son désir, car sa forme, mouvante, semblait frissonner. Poussée lentement vers l'arrière, elle bascula et se retrouva étendue à demi sur le lit. Puis, comme à chaque fois, elle perçut cette lourde pression contre son corps tout entier. Elle ne pouvait plus bouger. La brume l'enveloppa alors, peu à peu. Déborah sentit des picotements la parcourir comme de l'électricité. Elle vit ses propres jambes se soulever du sol et s'écarter vivement, et sentit une forte chaleur remonter le long de l'intérieur de ses cuisses jusqu'à son sexe. L'excitation de Jens s'intensifiait. Déborah le sentait se précipiter pour s'immiscer en elle. Il la pénétra bestialement, lui arrachant un petit cri de douleur. Pendant une demi-heure, il la sillonna férocement et lui susurra sans s'arrêter les mêmes paroles au creux de l'oreille. « Tu tueras quiconque me dénigrera et ôtera ta propre vie si je le demande, car je suis ton ange. Je suis le mal, et tu es mon suivant pour l'éternité. » Quand il eut terminé, il se retira et retourna d'où il était venu, laissant Déborah dans un état d'épuisement total. Car je suis ton ange, je suis le mal, et tu es mon suivant pour l'éternité. La musique résonnait dans sa tête, et Jens chantait et chantait encore « Tu tueras quiconque me dénigrera, et encore, et ôtera ta propre vie si je le demande. » Vint alors le moment où elle se décida à accomplir son passage vers sa vie véritable. Déborah avait répété mentalement la scène finale des dizaines de fois. En tremblant un peu, elle avala alors plusieurs poignées de comprimés, une trentaine peut-être, qu'elle accompagna de quelques bonnes et longues rasades de gin. Elle s'allongea confortablement sur son lit et croisa les bras sur sa poitrine, attendant la suite des événements. Elle arpentait le chemin de sa destinée. Pendant quelques secondes, il ne se passa rien. Elle patienta en essayant de ne penser à rien de particulier, en étant simplement à l'écoute de son corps, mais elle ne ressentit rien de précis. L'odeur capiteuse des chèvrefeuilles était toujours là. Jens chantait toujours, inlassablement, mais il semblait plus lointain, sa voix devenant peu à peu plus faible et inaudible. Le souvenir d'une journée où la dispute avec ses parents avait failli tourner au pugilat s'imposa soudain à son esprit. Cela s'était déroulé un an auparavant, jour pour jour. Elle se revit dans le salon, prête à écraser sur la tête de son père le vieux chandelier en argent de Mamie Thérèse. Sa mère était intervenue juste à temps pour éviter la trépanation importune de son mari. Déborah, en pleurs, s'était aussitôt réfugiée dans sa chambre pendant 4 jours complets. Le soir même, Jens lui avait rendu visite. « Je les hais. Ils ne pensent qu'à eux. Mon père est vraiment trop con et ma mère est une salope. Je veux leur en faire baver parce qu'ils me pourrissent la vie, tu comprends? Oui, je veux qu'ils souffrent jusqu'à la fin de leur jour. Je veux qu'ils regrettent d'être en vie. Et tu peux m'aider pour ça, » lui avait-elle confié. Jens lui avait assuré qu'il s'occuperait de tout et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Pour ce genre de choses, elle pouvait lui faire confiance. Le moment venu, il ferait le nécessaire, mais en attendant, il fallait être patiente. Déborah savait qu'elle ne reverrait plus jamais ses parents, mais cette idée ne la rendit pas triste, au contraire. Elle n'aurait plus ses vieux cons sur le dos. Enfin, la paix ! Elle sourit intérieurement. « Car je suis ton ange, je suis le mal. » Et tu es mon suivant pour l'éternité. » Puis Jens se tut. Tout à coup, son pouls s'accéléra et ses tempes se mirent à battre. Elle perçut d'abord quelques légers fourmillements, puis une chaleur intense envahir sa poitrine et son abdomen, et se généraliser à son corps tout entier. Engourdie, elle se mit à transpirer abondamment, comme si les vapeurs de son sang en ébullition s'échappaient par tous les pores dilatés de sa peau. Malgré la panique naturelle qui naissait en elle comme une vague fracassante, un ultime sursaut de son instinct de conservation, elle ne bougea pas. Après tout, c'était ainsi. C'était son destin. Elle rejoignait Jens. Un doux vertige s'empara d'elle, meilleur encore que celui de l'ivresse provoquée par l'alcool ou le cannabis, la faisant se sentir légère et consistante. Elle emplissait son corps et occupait à la fois l'univers tout entier. Elle se sentit alors extraite brutalement de son enveloppe charnelle, happée par un vide formidable et incommensurable. Elle avait l'impression d'être en chute libre, mais plutôt que de tomber à pic vers le sol, elle se sentait aspirée vers l'infini du ciel comme si par miracle la force d'apesanteur était inversée. Tout s'arrêta. Un peu fatigués, les parents de Déborah rentrèrent plus tôt que prévu, vers minuit. La musique tournait à fond sur la chaîne IFI de leur fille. Jens rugissait. Tu tueras quiconque me dénigrera et ôtera ta propre vie si je le demande. Et allons-y, encore la poésie d'arc gothique, pensa son père ironiquement. Curieux et un peu là aussi, il fit irruption dans la chambre, suivi de près par sa femme. Déborah était étendue sur son lit, inerte. Un tube de somnifère quasiment vide gisait à son côté. Blanc comme un linge, il s'immobilisa. « Oh merde, arrête-moi ce putain de vacarme » lança-t-il à sa femme, qui chancela d'effroi et appuya en un éclair sur le bouton, faisant stopper net les vociférations de Jens. « Car je suis ton ange, je suis le mal et tu es !» Ils alertèrent aussitôt les secours, en suffoquant de panique, mais il était déjà trop tard. Déborah ne respirait plus. Comme dans un mauvais rêve, ils assistèrent une demi-heure plus tard, impuissants et effondrés, à l'enlèvement de la dépouille de leur fille par les services médicaux d'urgence. Mais maintenant il n'y avait plus aucune urgence. « Je suis désolé, nous n'avons rien pu faire pour la sauver. Malheureusement, nous sommes intervenus beaucoup trop tardivement. Je vous présente mes sincères condoléances. » avait dit le médecin aux parents endeuillés, puis, après une pause, « Je sais que vous vivez des moments très difficiles, mais vous devriez venir avec nous jusqu'à l'hôpital. Nous aurons besoin de vous pour remplir certaines formalités administratives inhérentes à ce genre de drame. » Les parents de Déborah, incrédules, encore sous le choc, se sentaient incapables l'un comme l'autre de conduire leur véhicule. Tristement, ils grimpèrent donc dans l'ambulance pour accompagner leur enfant chéri vers la suite de son funeste périple. Deux jours plus tard, au beau milieu de la nuit, la mère de Déborah, en haletant, se réveilla brutalement. Étendue sur le ventre, elle sentit une pression énorme s'exercer sur tout son corps, et plus particulièrement sur ses fesses, la plaquant et l'immobilisant littéralement contre le matelas. Sa nuisette était remontée jusque sur le milieu de son dos. Elle perçut tout à coup une douleur brûlante lui déchirer l'anus, puis un violent mouvement de va-et-vient, mais elle ne put émettre le moindre cri. Sa mâchoire était totalement bloquée, comme si quelqu'un la maintenait de force dans cette position. Elle était complètement paralysée et ne parvint qu'à l'issue d'un effort terrible à tourner la tête vers son mari. Celui-ci ronflait bruyamment et dormait profondément. « Foutu somnifère !» pensa-t-elle, impuissante, et sentant les larmes lui couler sur les joues. Elle était comme enveloppée d'une brume nébuleuse qui semblait frémir. Au même moment, dans la chambre de Déborah, la chaîne-fille se mit en marche et joua frénétiquement « Saving Psycho Angel ». Jens chantait à nouveau. Une ombre vaporeuse, dont la taille rappelait celle de Déborah, s'allongea sur le lit qui grinça un peu et imprima sa silhouette sur le matelas. Chevauchant les blizzards tumultueux de ton esprit égaré, je t'entraîne au tréfonds de l'abîme Salvateur.